est au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Aquesta cançó de ben segur que molta gent l'haurà reconegut perquè en castellà es cantava i es deia Que nadie sepa mi sufrir. Jo la recordo amb una versió que m'encantava d'en Julio Iglesias. Aquesta cançó ens la portava l'Edith Piaf, aquesta extraordinària artista que ens arribava des de... Nascut el 1915 als Alps Marítims, crec recordar que havia nascut. Giovanna Jazion es deia... realment l'Edith Piaf. La Foule era el títol d'aquesta cançó. Ens arriba des del 58 i per acabar una cançó del 57 i una del 58 per acabar aquest segment. Jean Vertola amb Zintoné i després Darío Moreno, un artista nascut el 1921 amb aquest nom, semblava que hauria de ser més de per aquí a casa nostra, però de fet era un cantant molt políglota, turc i jueu, i que ens arribava, també nascut a Izmir, a Turquia, però en aquest cas el 1921. Ja veieu com les coses ens condueixen a la música en francès des de molts llocs diferents. Si l'homme est de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, d'un cœur trop bon, avec deux épaules pour charger le charbon. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. La pelle chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi? Quand ta mère a déjà cinq gosses à nourrir, un de plus n'est pas pas pour lui faire plaisir. Alors toi tu bosses comme un lion, mais le chef a beau dire que t'es un champion. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. La crasse qui te ronge et durcit tes doigts, et le droit de te taire quand tu touches ton moi. À force de te battre comme un damné, l'envie te prend d'envoyer te promener. Mais y'a tous les rêves de tes copains, alors tu la boucles mais tu serres les poings. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. Et pour te consoler de voir ce que tu vois, l'idée que ton père l'a vue avant toi. Mais si toute la semaine tu crèves en bas, dimanche enfin tout le ciel est à toi. Et dans tes draps blancs, dès ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour quand même où tu peux croire à la joie, l'espoir d'une autre vie pour tes deux petits gars et toute la mine qui pense comme toi. 16 tonnes, 16 tonnes.

Entrez dans la lumière, comme un insecte fou. Respirez la poussière, vous venir à genoux. Redécouvrir ma voix. En être encore capable de venir quelquefois, un rêve insaisissable, toucher les musiciens. N'être plus qu'une image, être là de passage, sans avoir rendez-vous, avoir tous les courages de me donner. Ta ta da ta da da. Ta ta da ta da da. Les dues primeres cançons amb la fantàstica Mylène Farmer i aquesta en directe, en versió acústica, també de l'any 2000, en la cantant nascuda el 1966, la candidata a Marianne, la personificació de la República aquell any, la Patricia Cass. M'ha quedat sempre, canti amb l'idioma que canti. La gaf, fils bo, le lavabo, ah, hola, hola, doncs vinga, aquí la tenim. We'll be right back. fait toc 5 ans. Toc, toc, toc, toc, toc, toc 5 ans. Chiche, on en fait un. Oh, eh, oh, eh. On a la sono, on a les lumières, on a la sono. Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Oh, oh, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, la bobo le lavabo, il est beau, il est beau, la bobo le lavabo, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Oh, oh. Alors tu reviens deux ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Hey, hey, hey, qu'il est laid, qu'il est laid le bidet, le bidet, il est laid, il est laid le bidet, qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet. Hey, hey, qu'il est laid, qu'il est laid le bidet, qu'il est laid, il est laid le bidet, le bidet, il est laid, il est laid le bidet, il est laid, il est laid, il est laid le bidet, qu'il est laid. Alors tu reviens un an plus tard, tu gardes la même purée, tu fais une compilation. Oh, eh, oh, eh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, eh, oh, oh, oh, eh, eh, eh, oh, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, eh, qu'il est laid, eh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid le lavabo. Alors maintenant c'est à vous. Oh, oh, hey, hey. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est laid. Oh, qu'il est laid. Le lavabo. Le lavabo. Le bidet. Le bidet. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est laid. Oh, qu'il est laid. Le lavabo. Le lavabo. Le bidet. Le bidet. Alors attention, faites en plus. Eh ben voilà comment on fait un top 50. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique. Moi, faut que j'y aille. Je me sauve, hein. Salut. Salut. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Pour

J'attendais la guerre, et là, attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait, j'ai le moral. Oh, no tenim temps per més, estem fora ja del nostre temps. Fins al final del programa, després d'aquesta cançó dedicada a Brussel·les per Jacques Brel, escoltarem una darrera peça, dos minutets de la Sheila, o el temps que ens doni al nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió a Hola la Música. Adéu-siau. On a juste l'âge de tomber amoureux. On a juste l'âge de s'aimer tous les deux. Viens tout près de moi, viens me dire tout bas ces mots que personne avant toi ne m'a jamais dit et que pour la vie mon cœur découvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste l'âge, ne crois-tu pas?